Chapitre 27. Tôt le matin, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent lier, l'emmenèrent et le remirent à Pilate, le gouverneur. Lorsque Judas, celui qui l'avait trahi, vit que Jésus avait été condamné, il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent, « Que nous importe, c'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit. Puis il alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après s'être mis d'accord, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y établir un cimetière d'étrangers. C'est pourquoi ce champ s'est appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors se réalisèrent ces paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, somme que les Israélites avaient été d'accord de payer pour lui, et ils les employèrent pour acheter le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur, qui l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. » Ensuite, lorsque les chefs des prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors, « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête de la Pâque juive, le gouverneur avait l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je vous libère ? Jésus Barabbas ou Jésus appelé Christ ?» Car Pilate savait bien qu'il lui avait livré Jésus parce qu'ils étaient jaloux. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message, « N'aie rien à faire avec cet homme innocent, car cette nuit j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Barabbas, lui répondirent-ils. « Que ferais-je donc de Jésus appelé Christ ?» leur demanda Pilate. Tous répondirent « Cloue-le sur une croix. » « Quelle mauvaise action a-t-il donc commise ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Cloue-le sur une croix !» Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme, c'est votre affaire. » Toute la foule répondit « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit fouetter Jésus et le livra pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur, et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau rouge. Puis ils tressèrent une couronne avec des épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils placèrent un bâton dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le bâton pour le frapper sur la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le clouer sur une croix. Comme ils sortaient de la ville, ils rencontrèrent un homme originaire de Cyrène, appelé Simon. Ils l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec de la bile. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le clouèrent sur la croix et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux brigands furent alors cloués sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passaient par là secouaient la tête et l'insultaient. Ils lui disaient, « Toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens se moquaient de lui et disaient, Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël. Qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré, Je suis le Fils de Dieu. Eh bien, voyons si maintenant Dieu veut le sauver. Et les brigands qui avaient été mis en croix à côté de lui l'insultaient de la même manière. À midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'exclamèrent, « Il appelle Eli !» L'un d'eux courut aussitôt prendre une éponge, la remplit de vinaigre et la fixa au bout d'un bâton, puis il l'attendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent, « Attends, nous allons voir si Eli vient le sauver !» Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et de nombreux membres du peuple de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. L'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus avec lui virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent alors très peur et dirent, « Il était vraiment le Fils de Dieu. » De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de la ville de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Quand le soir fut venu, un homme riche de la ville d'Arimathée arriva. Il s'appelait Joseph, et était lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf, et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire creuser dans le roc. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau, et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Le lendemain, c'est-à-dire le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Excellence, nous nous souvenons que ce menteur, quand il était encore vivant, a dit « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et ne puissent pas dire ensuite au peuple « Il est ressuscité ». Ce dernier mensonge serait encore pire que le premier. » Pilate leur dit « Voici des soldats pour monter la garde. » « Allez, et faites garder le tombeau le mieux que vous pourrez. » Ils s'en allèrent donc. Ils assurèrent la fermeture du tombeau en scellant la pierre et placèrent les soldats pour monter.